C'est pas ce que je voulais. Y'a pas que du tabac dans ma feuille à rouler. J'ai servi à ceux qui en voulaient. Je reste à la surface, non j'ai pas coulé. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Fier de ce qu'on a, fier de ce qu'on est. J'ai fait des choses à Dieu de me pardonner. Donner, reprendre ses volets. J'ai cru en moi quand personne n'y croyait. J'ai vu en moi ce que personne ne voyait. À bord du vaisseau, on revient pas en arrière. Indépendant, je suis jeune, noir et fier. Mal dominant, mal dominant, mal dominant. Je suis un mal dominant, mal dominant, mal dominant, mal dominant. Je suis un mal dominant. J'aurais fait du mal, c'est pas ce que je voulais. Mal dominant, mal dominant. Non, rien de rien, je n'ai aucun regret. Mal dominant, mal dominant, mal dominant. Je suis un mal dominant. Mal dominant, mal dominant, mal dominant. Je suis un mal dominant. J'aurais fait du mal, c'est pas ce que je voulais. Non, rien de rien, je n'ai aucun regret. Mal dominant, mal dominant, mal dominant, je suis un mal dominant. Je voulais du café, elle voulait du lait. Je me suis retenu, j'ai pas éjaculé. Miraculeux, on m'a dit, toi tu l'es. J'ai rien vu, on m'a dit, vas-y, tu l'es. Est-ce que tu seras là lors de mes défaites? J'aperçois le succès. J'aurais fait du mal, c'est pas ce que je voulais. Non, rien de rien, je n'ai aucun regret. Mal dominant, mal dominant, mal dominant. Je suis un mal dominant. Mal dominant, mal dominant, mal dominant. Je suis un mal dominant. J'aurais fait du mal, c'est pas ce que je voulais. Mal dominant, mal dominant. Non, rien de rien, je n'ai aucun regret. Mal dominant, mal dominant, mal dominant. Je suis un mal dominant. Mal dominant, mal dominant, mal dominant. Je suis un mal dominant. J'aurais fait du mal, c'est pas ce que je voulais. Non, rien de rien, je n'ai aucun regret. You're listening to Cartel Records.